sur un mamie sur un. J'fais du verre sur deux. Tu tournes la danse, trois. J'frappe, coup de boulet, canon, poussillé, ennemi cloué. Radio silence pour avoir libre accès aux sentinelles. Entrer dans les charts comme dans les bacs avec un flot fumé. Crier comme mes sauce spots. J'rappe du score, faire péter le jackpot. Nique le bénéf comme toute sa pauvre complot pour faire jouer le con. Qui pipote complot contre mon crew. Qui de plus en plus gagne du terrain. Vague dans le ghetto, rock. Kiff c'est de faire flotter notre drapeau. Rassemblement, soldats tous à vos postes. Aux commandes du vaisseau, pilote façon Alain Prost. Nous sommes attaqués par deux forces extérieures. Tireurs ripostés, ouvrez le feu en cas de force majeure. Attention, pour un tir groupé, soldats chargés. Localisez l'objectif, visez feu à volonté. Exécution pour la suite, attendre les instructions. En position d'autodéfense, j'assume mes fonctions. Télétransporté, pour maillé dans les roues. Télétransporté, posté aux avant-postes. La première mission, télétransporté. Pour envahir, ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, posté aux avant-postes. Pour la première mission, P6 rare. Pour le Hitty Crew, j'débarque en mission, émission d'attraque, traque, attraque, marque. Par une première offensive, paquet de tracks dans le chromé. Un truc pro par chrome, stroné premier prêt, c'est de là. Y'a plus d'Alibaba, du trésor du short, mais plus de 40 Hitty, le mauvais sort à bord, etc. Toi tu kiffes, limite lyrical, musical. Autour du cou, y'a que les écharpes, j'y se passe sans mal. Un Hitty, un fond, c'est grappé dans mon cœur, provoquant une éruption vocale de mes rancœurs. Au fin fond de mes entrailles, à jamais une haine. Nourrit par les une douleur des miens contre un emblème. Les Hitchis résistent sans jamais plier devant un faillon entaché. Je ne veux pas jeter en premier la pierre, mais mon bleu a pris sur la tête des montagnes entières. Où l'obésité se fait rare, des peaux rongées par le shit. La 16 esprit fêtard, son spécimen rare. Fusteur de ce bœuf sur l'instru on tâte. Constate mon laisse raffiné sorti du 7. Cette que dit éclate. Division 6, Hitchis Crew paraît à contre boycott. On botte coyote sans ressources qui faillotent sur le beat, on trotte. Des sons guisés par des tics qui feulent. Non pas le genre de beat qui mal coupe bien leur gueule. Télétransporté, Hitchis Crew, pommaillé. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, média de production. Posté aux avant-postes, pour la première mission. Télétransporté, Hitchis Crew, pommaillé. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, média de production. Posté aux avant-postes, pour la première mission. En avant, en marche. Dans l'univers inconnu, où l'unité dans l'adversité sera reconnue. Vainqueur, parmi les coups tordus volontairement tendus par ceux qui craignent la fin chaotique de leur langue fourchue. Pour objectif, saboter la mission, tous les dabas. Par les missiles anti-charlatans, le crew ne jogue pas. Si tu tombes, on tombe, mais on se relèvera tous. Moi, le vaisseau abrite un nombre infini de soldats. Comme effaré par la lumière des dieux tout puissants, même si impuissant, face où Hitchis Dying puisse les sang. Mon job c'est de faire couler le son sans laisser trace de sang. Tu sais que dès à présent, le Hitchis Crew est omniprésent. Association de soldats pour des guets tapant en pagaille. Et nice bataille jusqu'à bout de force. Voilà le coup final, fin d'escale. Bientôt le retour au vaisseau. Le crew reste opérationnel. Paré pour le combo. Télétransporté, pommaillé. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, média de production. Posté aux avant-postes, pour la première mission. Télétransporté, pour le Hitchis Crew, pommaillé. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, média de production. Posté aux avant-postes, pour la première mission. Télétransporté, pour le Hitchis Crew, pommaillé. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Télétransporté, média de production. Posté aux avant-postes, pour la première mission. Télétransporté.